fait sa compile. T'as nettoyé ton lecteur CD? Tes enceintes sont pas trop pourraves? Comme ça, même l'après-midi ou la nuit, ton coco sera avec toi. Détends-toi, détends-toi. Enlève ta ceinture, vire tes pompes. Écoute, écoute, écoute autant que tu veux. Que tu veux, que tu veux, que tu veux.